Activité 7, page 77. Piste 58. A. Son coq chante sans arrêt. B. Sylvie saute sur son cheval. C. Michel va à la chasse avec son chien. D. Sam fait souvent de la pêche avec sa sœur le dimanche.